J'aurais tellement voulu être l'amant de tes rêves. Je lis parfois qui se confesse. Désormais plus grand mot, et je voudrais que se remettre à l'heure mon cœur. Je ne courberai plus le dos de n'être qu'au fond soit ailleurs. Et que toi, et que toi, et que toi, simplement, et que toi, systématiquement, et que toi. Des jours à ne penser qu'à toi. Et que toi, et que toi, et que toi, des jours à ne penser qu'à toi. Toi ne penser qu'à toi, je fais tout pour que tu me détestes. Mais au fond, c'est moi que je déteste. Je t'ai tout dit sur mes sentiments, je n'ai jamais rencontré, raconté autant ma vie à quelqu'un d'autre que toi. Plus je t'aime et plus tu t'éloignes. Parle-moi d'amour, toujours comme du velours. Des mots si tendres qui en puis du bon sens me débecte. L'architecture de ton bonheur est difficile. J'ai besoin de ton corps, de te voir, de le voir. Je m'ennuie sans toi, je m'ennuie. Je me dis que je m'ennuie. Un peu d'amour sur du velours.